dans un jardin au bord de l'eau, sous un seau d'allure singulière. Je vous ai bâti un château, un royaume de l'imaginaire. Du haut de ces tours, je vous guette chaque jour, mais vous êtes encore si loin. Pour vous guider vers moi, je tracerai un chemin sans détour. Un jardin au bord de l'eau, sous un seau d'allure singulière. Je vous ai construit un bateau, un galion, voguant sur les mers. Je vous emmènerai du monde faire le tour, sous d'autres ciels. Et si vous la voulez, je vous épouserai au retour. La la la la la la la la. Dans un jardin au bord de l'eau, sous un seau d'allure singulière, je vous ai écrit une chanson, une romance naïve et sincère. Et je la chanterai pareil au troubadour, où le vent me portera. Et si vous l'entendez, elle vous racontera mon amour. La la la la la la la. Dans un jardin au bord de l'eau, sous un seau d'allure singulière.